Les nouveautés à la Maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine. Sommeil d'hiver, du réalisateur Nuri Bilge Ceylan, en version originale turque avec sous-titres français. Yani çocuk o olayı şey yaptığı için orada yanlış bir harekette bulunmuş. O yüzden Aydın Bey, şimdi siz bize biraz şey edebilirseniz, yani en azından şu tahliye davasını durdursalar. Aslında iyi öğrenim görmüş, dürüst, adil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğan, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun. Bütün mesele ne senin biliyor musun? Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun. Karşımızdakini olduğu gibi görmeyip onu tanrılaştırmak. Sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de olmuyormuş diye ona kızmak. Bana biraz haksızlık etmiyor musun? Artık yaşlandın mı? Kafayı mı oynattın? Yoksa başka bir adam mı oldun? Nasıl istersen öyle düşün. Garçon d'honneur Inc. du réalisateur Jeremy Gorelick en version française et en version originale anglaise. Je disais que je pleurerais pas. À la santé du marié, mon meilleur ami. Le meilleur garçon d'honneur. Alors je pense que tout y est. Tu connais les règles, non? Ouais, sauf que je croyais. Tu croyais quoi? Bah, je sais pas, on avait l'air de bien s'entendre. Non. Que l'argent puisse acheter. Je voudrais porter un toast. Ils aient beaucoup d'enfants. Ah Tu fais quoi, au juste? Bienvenue chez Garçon d'honneur Inc. Je fournis des services de garçon d'honneur et de témoin à des gars dans ton genre qui en ont besoin. Il s'apprête à relever. T'en as besoin de combien? Il t'en faut un ou deux? Je dirais sept. Il t'en faut sept? Quand on imagine ce que tu me dis là, nous, on se roule par terre. Et en moins de deux semaines? Aide-moi, s'il te plaît. Je sais pas quoi faire d'autre. Son plus grand défi. C'est strictement professionnel. T'achètes pas un nouvel ami, t'engages un témoin de mariage. Ok. T'as pensé à un nom pour moi, je présume? Big Mitchum. Je porte une cape. Pic, pic, pic, pic, pic. Ok, j'aime ça. Dieu a créé le monde en 7 jours. On doit faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. C'est qui ces barbares-là? Ce sont tes garçons d'honneur. Ces gars-là peuvent pas être mes garçons d'honneur. On dirait les acteurs des Goonies qui se sont recyclés en bande de violeurs finis. C'est mon job de te faire bien paraître le grand jour. On est là pour ça, c'est une répétition. Un gros cul, ça peut passer inaperçu, mais pas un mauvais danseur. Tu veux savoir comment j'ai séduit une fille comme Gretchen? En l'emmenant danser. Teach me how to duggy, teach me how to duggy. All my women love me, all my women love me. Ils sont tellement talentueux, ces deux gays. Mais en janvier, à partir de cet instant, on est parfait. C'est le groupe d'amis le plus bizarre que j'ai jamais vu. Boum! Trois couilles, comptez-les. Oh, shit. Ils vont découvrir. Je veux que ma vie réelle soit aussi drôle que celle que je me suis payée. Que pour réussir un faux mariage, on va refaire l'histoire. Nous n'oublierons jamais notre escalade des glaciers de Patagonie. Notre saut d'un avion à 10 000 pieds d'altitude. Ça prend de vrais amis. Qu'est-ce que tu lui donnes sérieusement? De quoi est-ce que tu parles? Tu m'auras pas. Il était pas comme ça avant que tu débarques. C'est le Doug que je connais. Tu trouves pas ça un peu étrange? Que le nom de ton témoin soit Big Mitchum? Je vais être bien honnête avec vous, tout le monde. Oh! Oh, merde! Oh oh hey oh oh oh oh oh attention! Garçon d'honneur Inc. Chapeau noir, du réalisateur Michael Mann, en version française. Hathaway. He's a convicted hacker serving 15 years. MIT, military command. U.S. government would like your technical advice. Cyber criminal. Blew a reactor at Chai Wan. Is he political? Any declaration? No claim, no statement. China, no Chicago. What does this guy want? You think you know me? I can target anyone. No mercy. Guy this dangerous, it's all about if I can get close enough, fast enough. You're no longer in control. This is only the beginning. Black Hat, rated R, starts Friday. Paddington, du réalisateur Paul King, en version française et en version originale anglaise. Hello, I just need to add something to my home insurance policy. Well, what it is we have a guest for the night, a bear, and I just needed some extra cover for any Yes, a bear. Grizzly? Not particularly. Mind you, I haven't seen him in the mornings. Tireur d'élite américain, du réalisateur Clint Eastwood, en version française et en version originale anglaise. Un homme en âge d'être soldat avec un portable qui observe le convoi, à toi. Si tu penses qu'il signale des mouvements de troupes, tu as le feu vert. À toi de voir. Terminé. Peut-être qu'il est juste en train de parler à sa vieille. Il est descendu. Attendez, j'ai une femme et un enfant à l'extérieur à 200 mètres qui se dirigent vers le convoi. Ses bras ne se balancent pas et elle porte quelque chose. Elle a une grenade RKG russe, elle la donne aux gamins. Une femme et un enfant. Tu les as en visuel, est-ce que tu confirmes ? Négatif. À toi de voir. Ils vont te cramer si tu te plantes. Aussi à la Maison du cinéma cette semaine. L'Enlèvement 3, du réalisateur Olivier Mégaton, en version française et en version originale anglaise. Deux jours, une nuit, des réalisateurs Luc et Jean-Pierre Dardenne en version originale française. Le jeu des limitations, du réalisateur Morten Tildem en version française et en version originale anglaise. Invincible, de la réalisatrice Angelina Jolie en version française. Wild, du réalisateur Jean-Marc Vallée en version française et en version originale anglaise. Le Hobbit, la bataille des cinq armées, du réalisateur Peter Jackson en version française. La théorie de l'univers, du réalisateur James March en version française.